ma plume, dans l'encre de mes veines, que j'alignais mes rimes. Maintenant, ça tu peux croire. Quand j'écris des chansons, je préfère un stylo trempé dans le vitriol. Je préfère un stylo trempé dans le vitriol. Avant, tu vas pas le voir. Je criais, je vouais, et les gens me trouvaient absolument charmant. Maintenant, ça tu peux le voir. Quand je dis je vous aime, il plane comme un doute au fond de vos regards. Plane comme un doute au fond de nos regards. Avant, tu vas pas le voir. J'étais vraiment marin. En bateau, c'était pas difficile. Maintenant, ça tu peux le voir. Voilà, j'ai débarqué, le radio est à quai, plus question de mouiller. Le radio est à quai, plus question de mouiller. Avant. T'es mon cœur mouillé. Maintenant, ça tu peux le croire. Quand j'ai la larme à l'œil, c'est que mes lentilles ont besoin d'être humides. Ces lentilles ont besoin d'être humides. J'ai un soleil. Maintenant, pas maintenant. Me voilà devenu comme eux. Il fait gris dans mes yeux. Je te jure que ça va mieux. Tu me croiras si tu veux. On croira si on veut.